Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Gloire au Seigneur, puissant prophète du Seigneur. Amen. Now, Amen. Maintenant. Pastor Faustin, when the Lord has spoken with me. Pasteur Faustin, alors le Seigneur a parlé avec moi. The Lord Jehovah. Le Seigneur Jéhovah. Jehovah Elion, the Most High God. Jehovah Elion, le Dieu très haut. He has spoken with me this past night. Il a parlé avec moi cette nuit passée. And in this conversation, et dans cette conversation, there is an earthquake that is coming to a place. Il y a un tremblement de terre qui vient à un endroit. The Lord already took me to that place. Le Seigneur m'a déjà emmené à cet endroit. And I also ran for my life. Et j'ai aussi couru pour ma vie. The things were falling on me from the roof and so forth. Les choses tombaient sur moi du toit et ainsi de suite. There is a devastating earthquake that is coming to the earth. Il y a un tremblement de terre dévastateur qui vient sur la terre. The Lord, the God of heaven. Le Seigneur, le Dieu des cieux. Jehovah El Shammah. Jehovah El Shammah. Jehovah Mekadishken. Jehovah Mekadishken. Jehovah Oseinu. Jehovah Oseinu. The Lord Jehovah Eloheka. Le Seigneur Jehovah Eloheka. Jehovah El Gibor. Jehovah El Gibor. Jehovah Hoseinu. He has spoken with me about an earthquake that is coming. Jehovah Hoseinu. Il a parlé avec moi sur un tremblement de terre qui vient. To the earth. Sur la terre. And I see an earthquake coming to a place. Et je vois un tremblement de terre venir à un endroit. And in this place they produce a lot of cheese. They do a lot of cheese. I can eat cheese. Et à cet endroit, ils produisent beaucoup de fromage. Ils font beaucoup de fromage. Je peux manger du fromage. I'm walking there. I see myself tasting cheese. Very tasty cheese. I'm eating it there. Et je marche là-bas, je me vois moi-même goûtant du fromage qui a beaucoup de goût, j'en mange là-bas. And as I'm eating the cheese, et comme je mange le fromage, and walking and seeing all these things happening there, et mange et vois toutes ces choses qui arrivent là-bas, I see also, je vois aussi, I see two buffaloes. Fighting there. Je vois deux buffalos qui luttent là-bas. And I see somebody involved also. Et je vois quelqu'un impliqué aussi. I don't know whether they play with animals. They have some cattle. Je ne sais pas ce qu'ils jouent avec les animaux. Ils ont du bétail. Someone, you know, the buffalo tried to pierce him, dodge it, and so forth. A cow or something, but I see like a buffalo, a black one. Quelqu'un, vous savez, le buffle essaye de le percer, il l'esquive, c'est une vache ou quelque chose, mais je vois un buffle noir. There are two beasts I see someone is playing with, you know. Elles sont deux, je vois, elles sont deux, quelqu'un joue avec. I also see the cheese, a lot of cheese being made there. Je vois aussi le fromage, beaucoup de fromage fait là-bas. And then there is an airport when I look further away. Et il y a un aéroport. Quand je regarde plus loin, I see an airport on my right hand side, some planes trying to take off. Je vois un aéroport sur ma droite. Un avion essaye de décoller. An earthquake takes place in that place. Un tremblement de terre a lieu dans cet endroit. An earthquake takes place in that place. Un tremblement de terre a lieu à cet endroit. And, it's very devastating because it really ravages, destroys and devastates a lot of buildings. c'est très dévastateur parce que ça ravage réellement, détruit et ravage beaucoup de bâtiments. C'est a lot of rubble. Je vois beaucoup de détritus. But as I'm there, mais comme je suis là, the earthquake has just happened, comme le tremblement de terre est juste arrivé, a lot of those, the roof, the things that are on the roof, beaucoup de choses, le toit, les choses qui sont sur le toit, the broken pieces and the rubble, les pièces cassées et les détritus, they fall on me, so I run for my life with everybody else in that place. Ils tombent sur moi, alors je cours pour ma vie, comme n'importe qui, à cet endroit. I do run for my life with everybody else. Je cours pour ma vie avec n'importe qui d'autre. And towards the airport, far away there. Et vers l'aéroport, plus loin, là-bas. I see as if the earthquake is going to slash. It's going to slice a mountain. Je vois comme si le tremblement de terre va couper une montagne. It's going to slice a hill. I think this is a hill or a small mountain. Il va couper une colline. Je pense que c'est une colline ou une petite montagne. That I see the earthquake going to slice. Que je vois. Le tremblement de terre va couper. So it will look like a quarry. Quarry where people dig soil and dig things. Et ça ressemble à une carrière où les gens creusent le sol et déterrent des choses. So this is what I'm seeing and I'm talking to the people there already. Donc c'est ce que je vois et je parle avec des gens, ils sont prêts. I'm talking to a lot of these other people. Je parle avec les autres personnes. So there is a tremendous time there, but I see also a lot of sexual sin there. Donc il y a un temps énorme là-bas, mais je vois beaucoup de péchés sexuels là-bas. There is sexual sin. Il y a du péché sexuel. Sexual immorality. De l'immoralité sexuelle. There is lies, there is godlessness in the church. Il y a des mensonges, de l'impiété dans l'église. The heathenism in the church. Le paganisme est dans l'église. The atheism of the church. L'athéisme de l'église. Where people are basically not born again. Où les gens ne sont basiquement pas nés de nouveau. They don't care holiness. Ils ne s'en font pas de la sainteté. They are really literally not born again. They are wild. Ils ont vraiment l'air de ne pas être nés de nouveau. Ils sont mondains. They are living their Christian salvation in the world. Ils vivent leur salut chrétien dans le monde. They are mixed with the moral decay of this world. Ils sont mélangés à la décadence morale de ce monde. I see all that and I understand. Je vois tout ça et je comprends. As the Lord is speaking with me. Comme le Seigneur s'entretient avec moi. He's telling me that that is the point of contradiction. Il me dit que c'est le point de contradiction. The point of controversy. Le point de controverse. The point of conflict that he has with this land. Le point de conflit qu'il a avec ce pays. This man that is speaking with me, this is a white man. Cet homme avec qui je parle, c'est un homme blanc. He's speaking with me. Il parle avec moi. And I see an earthquake coming to this land. There is a land you are making a lot of cheese. Et je vois un tremblement de terre venir sur ce pays. C'est un pays où ils font beaucoup de fromage. You are a land that makes a lot of tasty cheese. Ils font beaucoup de fromages délicieux. I pick some of them. I walk there. I taste them. I eat them. They are quite delicious. J'en choisis certains. Je marche là, j'en prends, ils sont vraiment délicieux. Very delicious and very tasty cheese. Du fromage très délicieux et qui a beaucoup de goût. And then there's an airport when I look farther away. Et il y a un aéroport quand je regarde plus loin. I see right straight, I see an airport on my right hand side. Je vois tout droit, je vois un aéroport à mon côté droit. I see some aircraft taking off. Je vois un avion décoller. And then I see this earthquake that hits this place, and this simple ordinary place. Et ensuite, je vois ce tremblement de terre qui frappe l'endroit. So I'm even involved now after the earthquake, serious ravaging earthquake, very, very massive. un séisme vraiment ravageur, un tremblement de terre très massif. So, I'm picking things. Donc, je prends des choses. I'm trying to salvage with you, with the people of this land. J'essaye de les sauver avec vous, avec les gens de ce pays. We are picking things that have been destroyed. Nous prenons des choses qui ont été détruites. We are trying to salvage and see anything. I'm carrying a machine in a box, a small machine. Je porte une machine dans une boîte, une petite machine. That has wires, an instrument. It looks like an electron. Qui a des fils électriques. Ça ressemble à quelque chose d'électronique. Instrument you plug into the, that is plugged into the socket and then. On dirait qu'on peut le brancher à la prise de courant et alors. So I see the screws and everything is in a box. So I'm trying to carry carefully. Je vois les vis et tout est dans une boîte. J'essaye de le porter soigneusement. But I cannot even pass. Mais je ne peux même pas passer. The passage has been constricted by the earthquake. Le passage a été obstrué par le tremblement de terre. Et ensuite, j'essaye. Nous essayons de sauver des choses. Et ensuite, a lot of stuff falls from the rubble, the roof that was shaking. Beaucoup de choses tombent du toit qui a été secoué. That was ravaged also. They fall on me. I ran for my life. Qui a été ravagé aussi. Je cours pour ma vie avec vous. I was eating cheese with you here. I ran for my life. J'ai mangé du fromage avec vous et j'ai couru pour ma vie. After the earthquake. Après le tremblement de terre. And the after effects are taking place. Et les effets d'après ont lieu. The buildings are shaking. Les bâtiments qui ont été secoués. It's very ravaged land now. C'est un pays très ravagé maintenant. And then at the far end, it slices off a hill. Et après, cette coupure dans la montagne. So it looks more like a quarry that has been dug by tractors. Donc, ça ressemble plus à une carrière qui a été creusée par des tracteurs. So there is a situation. Donc, il y a une situation. But the Bible speaks very clearly in the book of Matthew, chapter 24. Mais la Bible parle très clairement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Verse 7, and it says, verset 7, et ça dit, that at this time, in these days, qu'en ce temps, en ces jours, there will be earthquakes and famine in various places. Il y aura des tremblements de terre et de la famine en plusieurs endroits. And that these earthquakes, et ces tremblements de terre, they symbolize, they are the cue. Ils symbolisent. Ils sont le signal. They are that very important sign. Ce signe très important. That the Lord gave us to prepare when he said when we see these things. Que le Seigneur nous a donné pour que nous nous préparions. Il a dit quand vous voyez ces signes. Then we know that the coming of the Messiah. Alors vous saurez que la venue du Messie. The anointed one, the Lord, the King of Kings. Loin du Seigneur, le roi des rois. His coming has drawn nigh. Sa venue est proche. Now the Lord has sent me to speak to the whole earth. Maintenant, le Seigneur m'a envoyé pour parler à toute la terre. And tell the nations of the earth. Et dire aux nations de la terre. That the coming of the Messiah is near. Que la venue du Messie est proche. And that each and every land. Each and every nation, et que chacun et tous les pays, chacune et toutes les nations, each and every country, every language, every tribe, chacune et toutes les contrées, chaque langue, chaque tribu, every people, every dialect, chaque peuple, chaque dialecte, every tongue, they must now prepare every race, chaque langue. Ils doivent maintenant se préparer. Chaque race, they must all prepare, ils doivent tous se préparer for the glorious coming of this King of the universe. Pour la glorieuse venue de ce roi de l'univers. The Messiah is the King of the universe. Le Messie est le roi de l'univers. So everybody on this earth, donc, chacun sur cette terre must submit themselves to the jurisdiction of the authority of the reign of the Messiah. Doit se soumettre lui-même à la juridiction de l'autorité du règne du Messie. So the Lord has sent me to warn the four corners of the earth. Donc le Seigneur m'a envoyé pour avertir les quatre coins de la terre. To tell them that it's important to prepare well in righteousness. Pour leur dire que c'est important de bien se préparer dans la justice. To turn away from everything and anything sin. De se détourner de tout ce qui s'appelle péché. To make sure that you be released, a personal response. De vous assurer que vous êtes la personne qui répond. It is at this hour that you ensure you receive Jesus, Christ Jesus as Lord. En cette heure, vous assurez que vous receviez Jésus, Jésus comme Seigneur. And after receiving Christ Jesus as Lord, en recevant Jésus comme Seigneur, it's also a personal responsibility. C'est aussi une responsabilité personnelle. For you to ensure that you sustain that holiness of salvation and righteousness. De vous assurer que vous maintenez cette sainteté du salut et de la justice. That when that day whose hour is not known, pour lorsque ce jour dont l'heure n'est pas connue, whose day itself is also known, dont le jour lui-même est aussi inconnu, when that day befalls, quand ce jour arrive, then you are not caught unaware, alors vous n'êtes pas pris au dépourvu, but found ready that you may inherit, mais trouvé prêt pour que vous puissiez hériter the eternal and the super glorious kingdom of God. Le royaume de Dieu éternel est super glorieux. So this is the message the Lord has sent me to trumpet and to announce across the years to all the nations of the earth. Donc, c'est le message que le Seigneur m'a envoyé trompeter et annoncer autour de la terre à toutes les nations de la terre. To tell every nation, every people, every tribe, language, every dialect. Pour dire à toutes les nations, à tous les peuples, chaque tribu, langue, chaque dialecte. Every community on this earth. Chaque communauté sur cette terre. Kings and the most lowly of maiden servants. Au roi et au plus bas serviteurs et employés. The cities, the super sophisticated ultra-modern cities. Les villes super sophistiquées, ultra-modernes. To the smallest, most primitive villages of this earth. Aux plus petits, aux villages les plus primitifs de cette terre. To the mountains, the oceans, the rivers, the lakes. Aux montagnes, aux océans, aux rivières, aux lacs. The trees, the plants, the rocks. Les arbres, les plantes, les rochers. To announce to the birds in the air, even to the stars. Pour annoncer aux oiseaux du ciel, même aux étoiles. That the Messiah is coming. Que le Messie vient. And this is the hour at which to behold the salvation of Jesus. Et c'est l'heure où il faut détenir le salut de Jésus. And to be ready for the glorious coming of the Messiah. Et être prêt pour la glorieuse venue du Messie. The Lord has sent me to warn that when that day does happen, le Seigneur m'a envoyé avertir pour que lorsque ce jour arrive, when the Messiah comes for a holy church, lorsque le Messie vient pour une église sainte, it will be an irretrievable event. Ça sera un événement irrémédiable. Meaning an event that cannot be reversed, irreversible. Ce qui veut dire un événement qui ne peut pas être recommencé, qui est irréversible. So it will pay a lot. It will be very profitable. Donc, ça payera beaucoup. Ça sera très profitable. It will be very prudent and very wise. Ce sera très prudent et très sage. To spend your time on this earth praying and preparing for that day. De passer votre temps sur cette terre à prier et à vous préparer pour ce jour. Making sure you are right with that day. Assurez-vous que vous soyez en ordre pour ce jour. And the Bible is very clear on how to prepare. Et la Bible est très claire sur comment se préparer. Make sure that you repent and turn away from sin. Assurez-vous de vous repentir et vous détourner du péché. And be baptized by complete immersion like Jesus himself was. et que vous soyez baptisé dans une immersion entière comme Jésus l'a été, that you may fulfill all righteousness, pour que vous puissiez accomplir tout ce qui est juste, and to make sure that you shun evil, et vous assurer que vous fuyez le mal, the immoral dressing of women come to an end, que l'habillement immoral des femmes arrive à une fin, the immoral dressing of men, l'habillement immoral des hommes, the immoral behavior of women, the immoral behavior of men and young men and youth and what, le comportement immoral des femmes, le comportement immoral des hommes, des jeunes gens, des jeunes et quoi, that all everything moral decay, que toute cette décadence morale, that now you purge it of your life and be in right standing with the Lord, que maintenant vous la purgiez de votre vie et que vous viviez en ordre avec le Seigneur. So the Lord has sent me to warn the nations of the earth. Donc le Seigneur m'a envoyé pour avertir les nations de la terre. To warn every living being, including the rocks, the stones, the oceans, the rivers, the mountains, the hills. Pour avertir tout être vivant, incluant les rocs, les pierres, les océans, les rivières, les montagnes, les collines, the spring, the brooks, les sources, les ruisseaux, the plants, les plantes. You sent me to warn every creation on this earth. Il m'a envoyé avertir toute création de cette terre that the Messiah is coming, que le Messie vient, and he is coming soon, et il vient bientôt, and that the church needs to prepare, et que l'Église a besoin de se préparer. This is the one about whom it's written in the Bible. C'est celui de qui il est écrit dans la Bible. That behold, I send my messenger ahead of you. Voici, j'envoie mon messager devant vous. To prepare your way before the day of the Lord. Pour préparer votre chemin pour le jour du Seigneur. Shalom. Shalom.